Passez un très bel après-midi, c'est l'heure d'Histoire vivante. Fin novembre 2018, les changements législatifs en Hongrie forcent l'Université d'Europe centrale à Budapest, fondée par George Soros, à déménager en Autriche. L'université a finalement préféré prendre les devants, plutôt que d'attendre un hypothétique feu vert de la part du souverainiste Viktor Orban, après plus d'un an et demi d'une bataille juridique sans équivalent au sein de l'Union européenne, elle a annoncé en octobre 2018 le déménagement à Vienne de ses cursus internationaux à partir du 1er décembre. Histoire vivante s'est rendue à l'été 2018 dans cette université à Budapest. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, portrait d'un sociologue hongrois. Eh bien, je suis Viktor Karadin. Savoir et politique. J'ai fait ma carrière de chercheur en sociologie historique à Paris. Itinéraire d'une pensée. Vous avez consacré l'essentiel de vos recherches à l'histoire de l'Europe centrale en étudiant, c'est ce que vous nous disiez notamment hier, les systèmes universitaires et scolaires, l'éducation des élites, la mobilité socio-professionnelle et l'histoire sociale notamment des populations juives. Parmi vos recherches récentes, thématiquement fort diversifiées, on relève plusieurs traitants de la place des Juifs dans les élites en Europe centrale aux époques pré-communistes, communistes et post-communistes. Nous allons nous arrêter avec vous sur un article que vous avez signé, qui, je le rappelle aux auditeurs, est consultable sur le portail en sens humaine Cairn, C-A-I-R-N, et qui concerne la question des Juifs et des États-nations sur la période 18e-19e. Vous précisez, Viktor Karadi, que le statut des Juifs va rester assez longtemps stable avant d'être bouleversé à la fin du 18e, début 19e, avec la modernité de l'État-nation. En quelque sorte, le statut qui est stable jusque-là, donc depuis quand même des siècles, se met à voler en éclats. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments d'éclaircissement ? Oui, alors bon, là encore... quitte à braver les risques de simplification. Pour ce qui est mes études sur les Juifs, dès l'abord, il faut dire que c'était ma grande découverte, vraiment, pour moi personnellement, lorsque j'ai commencé à travailler sur des statistiques, tout trivialement, universitaires. Il y avait des données sur le recrutement des étudiants. Je me suis rendu compte que entre un cinquième et un quart des diplômés formés dès le troisième quart du 19e siècle étaient juifs en Hongrie. C'est-à-dire dans un pays où il y avait à l'époque peut-être 4 ou 5% de juifs, parmi les élites formées, c'était 25%, parfois 30%. Dans certaines facultés, à la Polytechnique, vers 1900, il y avait 40% de juifs. Alors, lorsqu'on dit 40%, ça veut dire que les étudiants d'origine juive devaient faire dans les 45-50%, c'est-à-dire presque la moitié de certains secteurs de l'intelligentsia hongroise étaient juifs ou d'origine juive. Bon, c'était tout de même assez étonnante parce que j'en ai pas vu de cas comparables à cela ailleurs. Par la suite, j'ai bien compris qu'il y avait quelques cas comparables, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire, très concrètement, la Hongrie est le seul pays, je disais tout à l'heure, que pas de majorité religieuse, pas de majorité ethnique jusqu'à très, très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 19e, mais dans les classes moyennes éduquées, il y avait dans certains secteurs une majorité de juifs ou presque une majorité de juifs. Ça, c'est une situation unique. Nulle part ailleurs, lorsqu'on prend un pays comme la Suisse ou la France, les Juifs étaient là, d'accord. Mais enfin, premièrement, démographiquement, ils n'avaient pas de poids, parce que en France, peut-être, le poids des Juifs, à la fin du 19e, c'était moins d'1%, c'est-à-dire sans signification, mais enfin, c'était comme dans deux quartiers du centre de Budapest. C'était, vous savez, à l'époque de l'affaire Dreyfus, il y avait dans les 70 à 80% de Juifs dans un pays de pas loin de 40 millions d'habitants, 39 vers là, millions d'habitants. Bon, ça se compare pas avec un pays où il y a 5% des Juifs, où dans la capitale il y a entre 20 et 25% déjà. C'est-à-dire, les comparaisons ne se tiennent pas, mais les comparaisons cachent le fait majeur, c'est que dans la modernisation de la Hongrie, les Juifs ont joué un rôle incomparablement plus grand qu'ailleurs dans d'autres États-nations européens. Donc ça, c'est une grande conclusion, si vous voulez, générale, qui a fait naître beaucoup de problèmes de détails. Comment ça a été possible et pourquoi ça s'est trouvé comme ça? Alors bon, il y a beaucoup d'entrées dans cette problématique. Une des entrées qui est essentielle, c'est que la mobilité sociale des Juifs, dès avant l'émancipation a eu lieu formellement en Hongrie en 1867, mais dès avant cette époque, il y avait des signes avant-coureurs, plus que ça, puisqu'à la fin de la révolution de 48-47, révolution et guerre d'indépendance, il y avait déjà une première émancipation formelle qui était annulée tout de suite, puisque le gouvernement émancipateur est tombé, et puis l'Autriche a repris en main le pays, mais donc il y avait plus que des signes avant-coureurs. Donc cette situation était assez exceptionnelle, la mobilité sociale extrêmement rapide et extrêmement réussie des Juifs dans plusieurs directions, vers les classes capitalistes, vers les professions libérales et vers les cadres de l'industrie et de l'économie capitaliste de façon générale. Alors ça, cette mobilité sociale s'est fondée pas entièrement, mais très largement sur une suréducation, une surscolarisation qui est manifeste dès les années 1850-60 lorsqu'on regarde les détails. Et alors, dès que j'ai compris qu'il y a un phénomène assez particulier et qui se retrouve dans ces dimensions nulle part ailleurs probablement. Parce qu'on retrouve des choses semblables en Allemagne. En Allemagne aussi, il y a 1% de Juifs et dans les universités, vous avez 7 à 8% de Juifs. C'est-à-dire la surscolarisation peut très bien être établie là aussi, mais pas dans les mêmes proportions où on a 5% qui donne 25, 30 ou 40% des intellectuels formés du secteur, et parfois 50. Si on prend les médecins, c'était 50%. Donc, il y avait un phénomène formidable qui m'a fait étudier de façon empirique, dans tous les détails, les conditions dans lesquelles, dans l'université, les Juifs sont entrés et se sont formés à la fois en Hongrie et à l'étranger, parce que l'étranger aussi a joué encore tout au long du 19e siècle, mais surtout dans la dernière partie du 19e, un très grand rôle. Donc les Juifs sont devenus, sous certains rapports, le centre de mes études à cause de leur poids dans les élites éduquées. Alors, le troisième grand problématique qui s'en dégage, évidemment, c'est le rapport aux Juifs. C'est-à-dire, lorsqu'on dit rapport aux Juifs, il y a l'antisémitisme qui est le problème essentiel dedans. Et là, il y a des choses, des parallélismes assez intéressants avec la situation de certains pays occidentaux, surtout avec la France. Alors là encore, le parallélisme très simplificateur. En Hongrie aussi, il y avait un grand procès contre les Juifs, 1892-93, c'était l'affaire de Tisoeslav, qui était une brumeuse affaire de calomnie, de crimes rituels. Alors on en a connu d'autres, mais celle-là était particulièrement importante parce qu'elle a eu une répercussion mondiale. C'était comme, bon, toute proportion gardée, parce que la France est un grand pays, la Hongrie est un petit pays quand même, mais toute proportion gardée, ça avait un effet mondial. Avec la différence tout de même que le pauvre capitaine Dreyfus a dû être gracié par le président de la République pour être libéré entièrement des suites de cette affaire calomnieuse affreuse, tandis que le tribunal de Nyíregyháza, dans le centre de la plaine hongroise, a exempté les faussement accusés. Donc là, je dois dire que la démocratie très incomplète est incomparablement moins bien institutionnalisée, moins sophistiquée à la hongroise, s'est comportée enfin mieux que la République républicaine à l'époque de l'affaire Dreyfus. Alors, on peut dire que le pays a été exceptionnel sous le rapport aussi que l'État-nation s'est construit sans, j'essaye de trouver le mot juste, mais il n'y avait pas d'État, pas de gouvernement qui aurait favorisé l'antisémitisme. Alors là, il y a un parallèle avec la France. La France du 19e, dès l'époque, dira-t-on, de la monarchie de Juillet, était, bon, on ne dit pas pro-juif, mais en tout cas pratiquait une grande, disons, neutralité. Et même lorsque les Juifs étaient en danger, il est intervenu pour les protéger. Cela dit, chaque pays a son histoire particulière et si on regarde l'Angleterre, bon, en Angleterre, l'émancipation s'est faite très lentement, sauf que je dirais parfois à mes étudiants qu'il n'y avait pas grand-chose de quoi les Juifs devaient être émancipés parce qu'ils n'avaient pas subi beaucoup de désavantages non plus avant l'émancipation finale, si vous voulez, légalement définitive. Alors, en Hongrie, l'État, en simplifiant un petit peu, était largement favorable à l'intégration des Juifs et même largement favorable aux élites juives eux-mêmes. Et ça a eu des conséquences alors considérables sur une partie de l'opinion publique des classes moyennes, parce que une bonne partie des classes moyennes n'était pas antisémite non plus. Alors, les classes moyennes étaient divisées. On peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'antisémitisme, mais les classes moyennes étaient divisées sous l'effet de l'État, dont les gouvernements, dès le Vormärz, c'est-à-dire dès avant la révolution de 48-49, était favorable aux Juifs et favorable surtout à l'intégration des Juifs. D'où plusieurs phénomènes très importants. Premièrement, la nationalisation des Juifs. Ce sont des processus que j'ai essayé d'étudier de près, parce qu'il s'agit de beaucoup de choses. Il s'agit de changements de langue, comme partout. Il s'agit de changements de stratégie éducative, comme partout. Il s'agit aussi d'autres formes de transformation de l'identité, de transformation que je dirais stratégique, comme changement de nom, nationalisation des prénoms et des noms de famille. ce qui est un phénomène de grande envergure vers la fin du 19e siècle. Il faut parler des mariages mixtes, il faut parler de la mixité des quartiers urbains, jamais de ghetto ou pas de situation de ghetto, très peu. En province, on trouve des cas de ce genre, mais pas de ghetto dans les grandes villes. Donc la nationalisation et l'intégration a des aspects très divers, mais c'était la conséquence presque directe du fait que les gouvernements n'étaient pas antisémites. Victor Caradi, avant qu'on revienne précisément sur cette singularité, sur cette originalité absolue hongroise, si l'on doit regarder du côté des voisins à la même période, qu'en est-il? Puisqu'après tout, vous avez notamment travaillé sur la situation des populations juives en Europe. Alors, mettons un instant de côté l'Occident, qu'on connaît sans doute un peu mieux, mais pour nous intéresser principalement à l'Europe centrale, parmi les voisins de la nombreux de la Hongrie, qu'en est-il de cette situation-là? Et qu'est-ce qui va renforcer le fait qu'effectivement, en Hongrie, c'est vraiment très singulier? Alors là, la Hongrie est très singulière parce que vous avez deux grands types de situations. À l'Est, vous avez absence d'émancipation jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La Roumanie n'émancipe pas, la Russie n'émancipe pas, sauf pour la partie polonaise, il y avait une forme d'émancipation avec la presque au même moment que la légalisation de la situation des paysans, c'est-à-dire l'émancipation des paysans. Il y avait une forme d'émancipation des juifs aussi, mais dans le gros de la population juive de Russie, il n'y avait pas d'émancipation. Donc ça, c'est du côté de l'Est, ce qui a provoqué d'ailleurs des phénomènes très connus et très visibles de l'exode. Dès les années 81-2, 1800, il y a l'exode des Juifs de Russie. Un tiers environ des Juifs de Russie ont foutu le camp vers l'Occident et surtout vers l'Amérique. La même chose vaut pour la Roumanie. À peu près, on estime qu'à peu près un tiers des Juifs de Roumanie étaient partis vers l'Occident et vers les États-Unis. Dans la même période? Avant la Première Guerre mondiale, essentiellement. Ces estimations valent sur les deux dernières décennies du 19e et les deux premières du 20e. Voilà pour l'Est. Alors ça, c'est l'Est. Alors pour le centre, c'est plus compliqué parce qu'il y a l'émancipation formelle dans la monarchie comme dans l'Allemagne impériale, mais il y a plusieurs choses qui font que l'État... Alors bon, dans la monarchie, l'État est bienveillante, si vous voulez. Franz Joseph déteste l'antisémitisme et tout ce qui est agitation surtout, c'est-à-dire la partie, les formes violentes de l'antisémitisme et les limites manu militari s'il le faut. Mais dans l'Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué. L'État impérial est presque ouvertement antisémite, avec des hauts et des bas. Là aussi, c'est très compliqué parce que la grande bourgeoisie a ses entrées dans la cour impériale. Pour le reste des juifs, c'est pas le cas. Mais l'émancipation légale se maintient. L'accès aux institutions scolaires, par exemple, est libre. Sauf que dans les institutions, il y a des corporations antisémites, il y a toutes sortes de mouvements antisémites, et parfois il y a même des pressions faites aux juifs pour qu'ils n'entrent pas, qu'ils ne puissent pas s'y imposer. Il y a des formes beaucoup plus brutales, peut-être aussi plus subtiles d'antisémitisme, et qui se réalisent alors partout dans les pays d'Europe centrale aussi. C'est l'exclusion de la fonction publique. Alors ça aussi, c'est probablement moins apparente en Hongrie qu'ailleurs. En Russie, c'est absolu. En Allemagne, c'est pas tout à fait absolu, mais enfin, c'est très largement pratiqué. Un juif ne peut pas faire carrière dans l'armée. En Hongrie, on peut. En Autriche-Hongrie, on peut. Mais enfin, c'est pas une carrière très attractive. Enfin, ça n'attire pas beaucoup de juifs, donc il n'y a pas beaucoup de demandeurs. Cela dit, dans la fonction publique en général, il y a tout de même des restrictions. Et les restrictions, encore une fois, sont moins évidentes en Hongrie, parce qu'en Hongrie, on dit simplement « convertissez-vous » et dès que vous êtes converti, vous pouvez faire carrière dans la fonction publique. Et il y a des cas fameux comme le ministre des armées pendant les premières années de la Grande Guerre, qui était un baron Hazai d'origine juive. Donc la situation n'est pas très simple. Mais tout de même, dans les élites, les carrières d'État aussi sont ouvertes aux Juifs à condition qu'ils se convertissent. C'était une restriction, enfin une restriction, si vous voulez, dans un monde où le cléricalisme fait un combat d'arrière-garde, c'est tout de même assez important. Il y a un pays qu'on n'a pas nommé, Victor Karadi, et pour cause, c'est la Pologne, parce que le 19e siècle est un moment de l'éclatement du pays. Quelles conséquences ce morcellement de la Pologne va-t-il avoir sur les questions sur lesquelles vous travaillez? Comment cet éclatement-là va impacter les populations juives et évidemment les régimes politiques qui se trouvent en face? Alors il faut commencer par dire que la population juive de Hongrie a en gros deux origines. Les deux groupes d'origine sont des soi-disant Askenas, c'est-à-dire de type parlant une langue germanique, mais avec la grosse différence que les pays d'origine sont d'un côté la Pologne et puis la Russie, mais surtout la Pologne, c'est-à-dire la Galicie autrichienne, c'est-à-dire la Galicie partie du royaume de Pologne ancien, mais devenu autrichien à la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a aussi un autre groupe très important de juifs qui vient soit d'Autriche directement, soit des pays tchèques, dont la langue est des origines plus proches de l'allemand, c'est-à-dire ce sont des yiddishisants, mais qui comprennent l'allemand, tandis que les yiddishisants d'origine polonaise ou russe comprennent pas directement l'allemand. Alors ces deux groupes forment l'intelligentsia hongroise de deux façons. Les juifs venant des pays d'Occident, enfin plus occidentaux, comme les pays tchèques ou l'Autriche, se modernisent et se nationalisent aussi, c'est-à-dire deviennent plus rapidement de langue hongroise et d'identité hongroise, prennent une identité hongroise plus rapidement, alors que les gens d'origine polonaise et russe le font beaucoup plus lentement, plus difficilement, si vous voulez. Alors, ça s'objective, par exemple, dans l'apprentissage du hongrois. Les occidentaux, enfin, les gens d'origine, les juifs d'origine occidentale, apprennent le hongrois très vite et de façon même presque organisée. Dès 1840, il y a une association de modernisants pour pousser les juifs de Pest et de Bouda, à l'époque il n'y avait pas de Budapest, à apprendre la nouvelle langue nationale. Alors que les gens d'origine polonaise sont beaucoup plus en retard, et la raison du retard, c'est qu'il y a une différence considérable dès l'abord en termes de modernité, surtout en termes de modernité religieuse. De larges secteurs des gens d'origine occidentale adoptent la réforme de la Haskalah, c'est-à-dire les lumières juives, qui préconise justement l'intégration dans les États-nations et le passage aux langues nationales. Alors que les Juifs venant de l'Est ont des difficultés à se moderniser sur le plan religieux et n'adoptent pas la langue hongroise aussi rapidement que les autres. Une toute dernière question pour cette troisième journée passée en votre compagnie, mais je vois là presque comme un paradoxe. Dès lors que j'ai vu que Theodor Herzl, ce que j'ignorais, était natif de Pécht, dans ce décor que vous nous indiquez, qui semble quand même relativement, je vais mettre de gros guillemets, confortable, le projet Herzl n'est-il pas un peu paradoxal? Tout à fait, parce que l'essentiel de l'histoire est très, très simple. Herzl était un visionnaire d'un État qui s'est réalisé, dont les chances de réalisation étaient minimes à l'époque où il avait la vision de cet État, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. Herzl était un intellectuel, je dirais, européen, né à Budapest, éduqué à Budapest jusqu'à la fin. Et il parlait le hongrois parfaitement. Il avait une parenté hongroise. Il y avait même une anecdote célèbre avec un parent proche, un genre cousin, qui était un auteur hongrois très, très connu de l'époque, très populaire. Pas un grand auteur, mais un auteur très populaire qui voulait faire son représentant en Hongrie lorsqu'il vivait à Vienne. Il était auteur assez reconnu à Vienne, auteur de théâtre notamment, et il voulait confier la tâche d'organiser le sionisme à son cousin Heltoï. Et à son grand étonnement et un peu... désappointement. Heltoï lui a dit « Mon cher Dori, parce qu'il s'appelait Dori, ah ben je peux pas, parce que... Pourquoi ? Parce que je suis pas juif, je suis hongrois. » Alors voilà l'assimilation, voilà les résultats de cette nationalisation des élites juives hongroises. À la fin du XIXe siècle, ils étaient souvent et de façon confirmée, de façon justifiée, dans une disposition de se considérer comme pas juifs, mais plutôt hongrois. Nous nous retrouverons demain, Victor Cardi, dans votre bureau pour poursuivre cet entretien. Merci encore à vous de votre participation au micro d'Histoire Vivante. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.